Bonjour à tous et bienvenue dans le cinéma pour les incultes et pour les merdes. Bonjour! Dans cette rubrique, nous ferons les bandes annonces. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 2012. 2012, c'est la fin de. C'est la date de périmaison du mandat de Sarkozy! Non, c'est pas ça, mais oui aussi, oui. En fait, 2012, c'est l'histoire de John Cusack qui est avec son fils. Attends, attends! John Cusack, c'est le monsieur où son cul a tourné dans High School Musical! Ça suffit, tu arrêtes des blagues de merde, sinon je te renvoie en Moldavie, tu as compris? Non! Pas avec Ozone, ils sont trop méchants! Voilà, merci, d'accord? Bon. Oh, c'est pas vrai, hein, j'ai pas une voix de tapette. Hein. Bon, ça va, c'était une voix remixée, on va dire. En fait, les Incas, ils ont dit que la fin du monde, c'était en 2012. Ah ouais? Mais si la fin du monde, elle est en 2012, eh ben, je pourrais pas danser cul nu la salsa au Brésil? Eh ouais, et moi, j'aurais pas pu danser la tectonique sur un train en arrêt qui serait de SNCF et qui irait vers Toulon. Et moi, j'aurais jamais pu niquer avec Megan Fox? Non mais ça faut arrêter parce que ça n'arrivera jamais, d'accord? Tu t'enlèves Megan Fox de cette tête. Ta gueule! Bon, aujourd'hui, nous allons vous faire la bande-annonce de 2012. Salut, je suis John. Salut, John. Et toi, tu es qui? Je suis ton copain, John. Salut, ton copain, John. Dis-moi, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Je sais pas quel jour on est, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en 2012. Mais selon le calendrier des pompiers tout nus, 2012, c'est la fin du monde. Mais t'es une merde. Pourquoi t'as pas pris le calendrier des dieux du stade? Chabal, il a beau avoir une grosse barbe, ça couvre pas tout, hein. Mais les calendriers des pompiers, ils ont une plus grosse lance. Coquin. Mais alors, 2012, selon les Incas, c'est la fin du monde. Ben, écoute John, on va rentrer, hein, on a plus le temps. Oh non. J'ai envie de faire caca. Ben, dépêche-toi. Mais je fais où, caca? Moi, j'aime pas faire dans ma chambre. Ben, regarde, il y a un sac. Tu es malade ou quoi? C'est le sac à ma mère, ça? Ben, je suis dans le sac à ta mère. Bon, d'accord, j'ai pas le choix. John! Je t'ai pris le cul dans le sac! Attention, maman, derrière toi! Tu m'as postillonné sur la gueule. Maman, mon dieu, j'ai fait écraser par une voiture, puis par un camion, puis par attention, la maison blanche. Ah. C'est bon, elle est partie. Ah d'accord. John, oui. T'as une aide dans le cul. Qu'est-ce que vous avez tous avec mon cul? Ça fait mal. Non, ça fait plutôt du bien. Je crois que j'irai au club échangiste maintenant. D'accord. Bref, rentrons, nous n'avons plus le temps. Attends, je dois aller chercher mon fils à l'école. T'avais un fils? Ouais, je crois, ouais. Ah oui, c'est vrai. Allez. Mais oui, je l'ai eu avec la prostituée russe. Ah oui, c'est vrai. Il s'appelle Igor. Allez, courons. Non, John. Je crois que j'en peux plus. Continue sans moi. Ok. Non, mais c'est pas vrai, je déconne, reviens. Ok. Mais reviens, je t'ai dit, copain de John. J'arrive, John. Ah, c'est bon, je te vois. Allez, on va chercher ton fils. Ah bon, j'ai un fils? Mais oui, le fils que tu as eu avec la prostituée russe. Déjà, c'était un prostitué, et j'ai pas vu, d'accord? Bon, c'est pas grave, on va chercher ton fils. C'est bon, il est là. Oh mon dieu, non, te sens derrière toi. Bon, c'est pas grave, je m'en fous. De toute façon, je l'aimais pas trop ce gosse, il me faisait un peu chier avec ses questions de merde. Genre, comment on fait les bébés? Ok, bon, rentrons à la maison. Il faut que le film finisse et que ça ait une fin possible. Ben j'ai une idée, viens on part sous le soleil couchant sur tes chevaux. J'ai pas de chevaux moi. On s'en fout, c'est à la radio. Ah d'accord. Ça va Brandon? Et toi Johnny? Ça va. À la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique ciné.